Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 23 janvier de quelle année ? 1989, il y a donc 29 ans si je ne m'abuse. S'éteint ce jour-là à Figueras, sa ville natale en Catalogne, un grand surréaliste en même temps qu'un des artistes les plus célèbres du XXe siècle, Salvador Dali, ami de Garcia Lorca, de Buñuel, de Miro bien sûr. Un homme sûr de lui, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui devait enchanter mon enfance par ses déclarations. Vous savez, il disait par exemple « Vous savez quelles sont les deux choses les plus heureuses qui puissent arriver à un peintre contemporain ? Primo est espagnol et secondo s'appelait Dali. » Tout en modestie, bien sûr. Il disait aussi, je me rappelle un jour que Yves Mourousi essayait de l'interviewer et il répondait à toutes les questions, yes, oui, une petite lézarde. Ça me faisait beaucoup rire, moi, ça. Bon, le problème quand on fait ce genre de déclaration, c'est qu'après, il faut assurer. Ah ben oui, mais il assurait, lui. La personnalité de Dali, ainsi que ses choix esthétiques et politiques, ont toujours été controversés. Mais pour ce qui est de l'art, un certain consensus s'est fait de bonne heure sur son talent, voire sur son génie, disons-le. Si vous deviez ne retenir qu'une seule œuvre, ce serait laquelle, Franck ? Oh, alors c'est très difficile, mais je choisirais peut-être le tableau phare du musée de Glasgow, en Écosse, acheté dès sa création, 1950. C'est un Christ en croix vu de haut depuis un point d'observation complètement zénital qui met en valeur les épaules du supplicié. Pas de clous visibles, pas de sang apparent, pas de couronne d'épines. Un Christ aux cheveux courts, tout en grâce, qui se détache comme ça sur des cieux obscurs et qui a l'air de plonger littéralement avec sa croix dans un autre ciel plus lumineux, couleur d'aurore, et qui lui domine avec une autre perspective, un petit port de Catalogne. Évidemment. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Pour une émission consacrée à Mishima, le grand écrivain japonais, et à son suicide spectaculaire.